de poule. Ouais, non, il tombera pas celui-là, je vais le crever. Tu le sais, non? Enculé, ouais. Arrête, parle pas. Tu sais, je reste le même, frère. On ne se rachète pas, je reste le même enfoiré qui s'estère quand la plaquette parle. Le même gadjo cache son malaise derrière la rétine. Me connais-tu, mais comme problème, ne réplique pas, laisse paraît-il. Entends-tu crier ces marmots? C'est le chant de la famine du monde. On n'a pas tous la chance de manger comme la famille du monde. Maman dit, regarde bien, petit, l'avion va atterrir. Puis l'enfant, regarde papa se taper pour un seul sac de riz. Rends-tu compte, hein? Rends-tu bien compte de la situation? Il pue le tiers-monde et marqué, il s'en suicide d'une nation. Ils ont de sacrés besoins, bah là j'suis désolé. Mais l'homme blanc voudrait être de bambin dans l'arche de Zoé. Il a fière allure ton globe terrestre. Il fume le crack dans une feuille d'alu. Regarde les chicots comme Thérèse. Ça t'intéresse pas? Tu te marres, t'as raison. Mais que feras-tu quand la télé viendra filmer ta maison? Que feras-tu quand les missiles s'en seront pour toi? Tu seras seul devant la caméra à pleurer, mais pourquoi? T'auras son sang sur les mains. Tu mangeras ta vie, seras-tu taille en délai seulement la moitié de ta fille entre la cible et les civils. L'obus fait pas la différence. Le pilote là reprend 56 vies, c'est faisant différente. Objectif atteint, on vole vers la base. Plus sera traité en héros au sol, à peine poser la patte. C'est malade, laisse parler que c'est normal. On s'inquiète plus de leur mort que ceux qui naissent meurent mal. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Le pauvre à la corde au cou, regarde, il chiale juste pour que tu lui détendes entre les larmes et le chant des armes. Les vastes des zones, mouche tes oreilles. Tes yeux vont voir le désastre des hommes. Entends le pas de la méchante armée. Viens tenter de reconstruire ton pays, mais c'est autre chose qu'ils ont en tête. T'inquiète, c'est bientôt la fin, et ça reste trop long. Marre de revoir des humains avec des gestes de colons. Et moi je croyais que c'était très loin tout ça, et en tête sous ça. Mais leurs mains sortent du sol pour bénir et faire le plein de son sale. Républicain, pas que les amis se cassent. Et l'américain, elle croit que chaque mosquée abrite des kamikazes. Que le France tire la baguette sous le bras élevé. Que l'Africain sous ses claquettes les diamants qu'ils espéraient. C'est un pillage dans les nords. Pas de perte, pas de mort. Ça joue la carte de l'aide humanitaire, mais ça perd pas le nord. C'est la même qui paye trop et toujours. Et Dieu là-haut qui surveille leur demande de tendre l'autre jour. Et à part ça, tout est bon, dit-il. As-tu oublié qu'on interdit des pays aux séropositifs? Qu'une femme torche humaine, tous les cris de l'enfer. Qu'un docteur avec si peu de moyens ne sait plus comment faire. Là où l'amputation est courante, le doliprane rarissime. Messieurs, si vous êtes mourants, c'est par ici. J'ai pas raison, par exil. Regarde la victoire, j'ai pas raison. À la première grippe, fils, tu brandiras ta carte vitale. La violence d'un nettoyage ethnique. On sent sa serpette sous ta gorge, voir dire à ta femme. Nettoyage ethnique. Et il court avec des coupes-coupes pour la barbarie. Mais on sent pas les coups tous, tant que ça passe pas par Paris. Mais quand l'homme ne tue pas l'homme, sans pas durer sans char. 3000 vies s'envolent alors, et c'est la nature qui s'en charge. Tu vas pas me croire, c'est toujours les mêmes qui ramassent. Choisis ta mort, tremblement de terre, tornade ou famasse. Je suis qu'un narrateur, grande bouche, vide de solution. Je pleure pour la couche d'ozone, mais j'oublie vite mes résolutions. Bienvenue aux eaux, où se met l'innocent victime et démon. Et il monte le niveau du sang, monte, plus j'y mets des mots.